Chapitre 9e. Singuliers effets du mirage. Ce jour-là, Tartarin n'en dit pas davantage, mais le malheureux en avait déjà trop dit. Le lendemain, il n'était bruit dans la ville que du prochain départ de Tartarin pour l'Algérie et la chasse au lion. Vous êtes témoin, cher lecteur, que le brave homme n'avait pas soufflé mot de cela. Mais vous savez, le mirage. Bref, tout Tarascon ne parlait que de ce départ. Sur le cours, au cercle, chez Costecalde, les gens s'abordaient d'un air effaré. Et autrement, vous savez la nouvelle, au moins ? Et autrement, quoi donc ? Le départ de Tartarin, au moins. Car il faut dire qu'à Tarascon, toutes les phrases commencent par « et autrement », qu'on prononce « autrement », et finissent par « au moins », qu'on prononce « au moins ». Or, ce jour-là, plus que tous les autres, les « au moins » et les autres « mains » sonnaient à faire trembler les vitres. L'homme le plus surpris de la ville en apprenant qu'il allait partir pour l'Afrique, ce fut Tartarin. Mais voyez ce que c'est que la vanité. Au lieu de répondre simplement qu'il ne partait pas du tout, qu'il n'avait jamais eu l'intention de partir, le pauvre Tartarin, la première fois qu'on lui parla de ce voyage, fit d'un petit air évasif « Hé hé, peut-être, je ne dis pas. » La seconde fois, un peu plus familiarisé avec cette idée, il répondit « C'est probable. » La troisième fois, « C'est certain. » Enfin, le soir, au cercle chez les Costecalde, entraîné par le poncheuseux, les bravos, les lumières, grisé par le succès que l'annonce de son départ avait eu dans la ville, le malheureux déclara formellement qu'il était là de chasser la casquette et qu'il allait, avant peu, se mettre à la poursuite des grands lions de l'Atlas. Un hurrah formidable accueillit cette déclaration. Là-dessus, nouveau poncheuseux, poignée de main, accolade et sérénade au flambeau jusqu'à minuit devant la petite maison du Baobab. C'est Tartarin Sancho qui n'était pas content. Cette idée de voyage en Afrique et de chasse au lion lui donnait le frisson par avance. Et en rentrant au logis, pendant que la sérénade d'honneur sonnait sous leur fenêtre, il fit à Tartarin Quichotte une scène effroyable, l'appelant toqué, visionnaire, imprudent, triple fou, lui détaillant par le menu toutes les catastrophes qui l'attendaient dans cette expédition, naufrage, rhumatisme, fièvre chaude, dysenterie, peste noire, éléphantiasis et le reste. En vain, Tartarin Quichotte jurait-il de ne pas faire d'imprudence, qu'il se couvrirait bien, qu'il emporterait tout ce qu'il faudrait. Tartarin Sancho ne voulait rien entendre. Le pauvre homme se voyait déjà déchiqueté par les lions, englouti dans les sables du désert comme feu Cambyse, et l'autre Tartarin ne parvint à l'apaiser un peu, qu'en lui expliquant que ce n'était pas pour tout de suite, que rien ne pressait, et qu'en fin de compte il n'était pas encore parti. Il est bien clair, en effet, que l'on ne s'embarque pas pour une expédition semblable sans prendre quelques précautions. Il faut savoir où l'on va, que diable, et ne pas partir comme un oiseau. Avant toute chose, le Tarasconnais voulait lire les récits des grands touristes africains, les relations de Mungo Park, de Caillé, du docteur Livingstone, de Henri Duverrier. Là, il vit que ces intrépides voyageurs, avant de chausser leurs sandales pour les excursions lointaines, s'étaient préparés de longue main à supporter la faim, la soif, les marches forcées, les privations de toutes sortes. Tartarin voulut faire comme eux et à partir de ce jour-là ne se nourrit plus que d'eau bouillie. Ce qu'on appelle eau bouillie à Tarascon, c'est quelques tranches de pain noyées dans de l'eau chaude avec une gousse d'ail, un peu de thym, un brin de laurier. Le régime était sévère, comme vous voyez, et vous pensez si le pauvre Sancho fit la grimace. À l'entraînement par l'eau bouillie, Tartarin de Tarascon joignit d'autres sages pratiques. Ainsi, pour prendre l'habitude des longues marches, il s'astreignit à faire chaque matin 100 tours de ville 7 ou 8 fois de suite, tantôt au pas accéléré, tantôt au pas gymnastique, les coups de corps et 2 petits cailloux blancs dans la bouche, selon la mode antique. Puis, pour se faire aux fraîcheurs nocturnes, au brouillard, à la rosée, il descendait tous les soirs dans son jardin et restait là jusqu'à les 10 et 11 heures, seul avec son fusil, à l'affût derrière le baobab. Enfin, tant que la ménagerie mitaine resta à Tarascon, les chasseurs de casquettes attardés chez Costecalde purent voir dans l'ombre, en passant sur la place du château, un homme mystérieux se promenant de long en large derrière la baraque. C'était Tartarin de Tarascon, qui s'habituait à entendre sans frémir les rugissements du lion dans la nuit sombre.